الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد donc on continue avec la salat donc on va continuer là où on était rendu la semaine passée le cheikh il dit il avait cité les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Et puis on avait lu, on peut le relire encore une fois, cette grande fois. Il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع ذلك مشركون هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو واضح في الرد على من اعتقد أن التوحيد المطلوب من الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية. Donc le chef il a cité les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah et il a expliqué ce que l'imam a dit. Il a dit la plupart des gens du kalam. On avait déjà mentionné quelque chose au sujet des gens du kalam. On a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce que c'est Ahlul Kalam. Non, Ahlul Kalam. C'est des gens qui se basent plus sur la philosophie que sur le Coran et la Sunna. Ça va, chérie? C'est des gens qui se basent plus sur la philosophie pour interpréter le Coran. Ils se basent sur la logique grecque, se basent sur les écrits grecs pour essayer de comprendre le Coran et d'interpréter le Coran. Donc, c'est des gens, ils ont mis de côté la Sunna. Sont basés juste sur la raison. Alors ils ont commencé à essayer d'affirmer ou de nier les attributs d'Allah en se basant juste sur la raison, en mettant de côté la révélation. Et donc, ils ont tombé dans beaucoup d'erreurs dans la croyance à cause de ça. Et Ibn Taymiyyah parle de eux dans qu'est-ce qu'il explique maintenant. Il dit que si tu regardes dans qu'est-ce que ces gens-là ont écrit au sujet du tawhid, ils ont divisé le tawhid eux aussi en trois catégories. Ils ont dit, le tawhid est trois catégories. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est un dans sa personne et il est indivisible. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est un dans ses attributs et rien ne lui ressemble. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est un dans ses actions et pour eux, ça c'est les trois catégories et dans ses actions, il n'y a aucun associé avec lui. Donc pour eux, ça c'est les trois catégories, mais le plus important des trois pour eux c'est le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actions. Et quand ils disent ça, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Donc ils croient que toute personne qui dit je crois que Allah est unique et que c'est lui seul le créateur, ils croient que ça suffit pour être un monothéiste ou pour être un croyant musulman. Donc si par exemple pour eux ils verraient un mushrik s'ils verraient par exemple quelqu'un qui se dit musulman et qui invoque les saints, qui demande aux morts et aux saints qui sont enterrés dans les sanctuaires, ils vont à leur tombe et ils leur demandent de leur donner quelque chose, par exemple dans les pays musulmans, certains musulmans vont au tombeau où il y a des gens qui étaient pieux, qui sont morts, et ils sont enterrés ils ont construit au-dessus de leur tombe des grands sanctuaires ou des mausolées. Et là, ces musulmans ignorants, là, ils vont là-bas et ils demandent à ces gens-là qui sont enterrés de leur donner un bon travail, de leur donner une progéniture, de leur donner, par exemple, une femme, elle va dire qu'elle veut un bon mari, elle va demander ça au père. Elle va prendre, par exemple, un sorte de morceau de tissu et puis elle l'attache après, après la, une arbre ou après un morceau de clôture ou quelque chose, n'importe quoi qui est près, près de la tombe où le mort est enterré. Et puis, elle va dire, si le saint va, exaucer mon vœu, elle va venir enlever le morceau et puis elle va comme sacrifier un animal pour remercier le saint. Tout ça, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des exemples de chefs qui sont faits dans les pays musulmans. Donc, pour ces gens de, qu'on appelle Ahlul Kalam, pour eux, étant donné que pour eux, le Tawhid, c'est seulement de dire qu'il y a un seul créateur, alors pour eux, de faire ça, c'est pas chef. D'invoquer les morts, c'est pas chef pour eux. Et donc, les gens peuvent faire ça tant qu'ils ne croient pas que celui qui est dans la terre, c'est pas lui qui a créé le monde, alors pour eux, ils sont pas des idolâtres. Donc, vous voyez, à cause de leur mauvaise conception du Tawhid ou de l'unicité d'Allah, ils n'ont pas cru au Tawhid al-Ibada. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru que seulement Allah subhanahu wa ta'ala a le droit d'être adoré. Et que le dua, étant donné que l'invocation est demandée des choses l'invocation à dua, à l'istirata, à l'isti'ana, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont des formes d'adoration. Et que toute forme d'adoration est supposée d'être donnée uniquement à Allah, et que celui qui donne à autre que Allah une forme d'adoration quelconque, il commet un acte d'idolâtrie ou un acte de shirk. Alors eux, étant donné qu'ils n'ont pas compris cet aspect-là du tawhid, beaucoup d'entre eux sont tombés dans le shirk. Et quand ils ont vu les populations de musulmans tomber dans ça, ils n'ont rien fait pour les arrêter. Ils n'ont rien dit pour leur expliquer que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était dangereux et que ça pouvait même les faire sortir de l'islam. Alors, ça c'est un des graves dangers quand on n'a pas bien compris la signification du tawhid. Et donc, le chef, il dit, c'est très simple pour réfuter cette idée. C'est très simple pour réfuter l'idée que de ceux qui croient que c'est seulement si tu crois que, par exemple, l'idole a un pouvoir de créer, que c'est là que ça devient de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des Arabes qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient les idoles, et il a expliqué que ces gens-là, eux-mêmes, qui adoraient les idoles, ils reconnaissaient que Dieu était le créateur des cieux et de la terre. Ils reconnaissaient eux aussi que Allah était le créateur des cieux et de la terre. On n'entend pas? Alors, peut-être qu'il n'est pas bon, il n'est pas... Non. Donc, comme je disais, il reconnaissait eux aussi que Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur de toutes choses, mais malgré tout, il prenait les idoles comme des intercesseurs pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était ça leur chef. Donc, ça ne suffit pas de dire que Dieu est le créateur de toutes choses, parce que même les idolâtres, ils disaient que Allah était le créateur de toutes choses, et Allah a quand même traité ces gens-là de mushrikin. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce principe. Oui? Vous êtes capable de l'expliquer vous aussi à quelqu'un? Il faut, quand vous écoutez ce que je dis, essayer de vous mettre dans la perspective que un jour, Inch'Allah, vous allez parler avec des gens qui tombent dans ces choses-là et que ça va être à vous de leur expliquer, vous aussi, qu'est-ce qu'ils font de mal et pourquoi c'est pas correct. Et de leur donner les exemples et les preuves et les explications. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se concentrer sur la compréhension. Donc, le chef, il dit après, « Hada kalam al-shaykh, rahimahullahu, وهو واضح في الرد على من اعتقد أن التوحيد المطلوب من الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية ويؤيد هذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالرسل لم يقولوا لأممهم أقروا بأن الله هو الخالق لأنهم مقرون بهذا وإنما قالوا لهم أعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت. Donc le chef il dit, qu'est-ce qui renforce cette croyance, qu'est-ce qui donne plus de force à cette explication, à cette compréhension du tawhid, l'ibad, c'est le verset suivant dans lequel Allah SWT il dit, nous avons ressuscité dans chaque nation un messager qui dit aux gens, adorez Allah seul et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui, tawhid. Al-Tarut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, le verset, il est clair. Et le chef, il dit, les messagers, donc, on voit dans ce verset que les messagers ne sont pas venus dire à leur peuple, croyez que Dieu est seulement le créateur du monde entier, de tout ce qui existe. Les messagers sont venus dire, adorez Allah seul et écartez-vous du Tarut. Si ce que la compréhension des gens du Kalam, si elle était correcte, alors, on aurait vu dans le Coran que Allah SWT dit, reconnaissez qu'il y a un seul créateur de l'univers. Et donc, tout le monde qui aurait dit, je reconnais que Allah est le créateur de l'univers, serait considéré comme étant musulman, même s'il commet des actes de shirk. Par exemple, beaucoup de chrétiens disent, il y a un seul Dieu. Malgré tout, il crie à Jésus, il crie à Marie, il crie à Joseph, il crie à tous les saints de l'Église catholique. Et donc, selon l'islam, ils sont considérés comme étant des mouchriquins à cause de ça. Hein? Et aussi le fait qu'ils disent que Allah a un fils, et le fait qu'ils disent que Allah est salé et salata ou trois en un. Ça aussi, c'est d'autres cas de shirk. Mais le fait seulement d'adorer, pense que Allah seulement, ça suffit pour faire que quelqu'un est un mouchriquin, que quelqu'un est un idolâtre. Ensuite, il continue à citer d'autres paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah أيضا التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه. Donc, après il continue, إلى أن قال وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأن وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. Donc le chef lui dit, donc le tawhid que les messagers ont apporté, il implique qu'on affirme ou qu'on établisse que Allah SWT est le seul qui mérite d'être adoré. Et lorsqu'on témoigne, et ça c'est lorsqu'on témoigne que rien ne mérite d'être adoré, parce que le shahad atteint, quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, ça implique aussi cette compréhension du tawhid, puisque al-ilah, en arabe, le mot ilah signifie tout ce qui est adoré, al-ma'boud. Al-ilahu ou al-ma'boud. Hein, tout ce qui est adoré, dans la langue arabe, on peut l'appeler ilah. Si par exemple, quelqu'un adore ce micro, on va dire que c'est une forme d'idole que les gens ont pris, on va l'appeler une ilah. Pourquoi? Parce que les gens l'adorent. Donc, quand Allah dit dans le Coran, la ilaha, ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, rien qui mérite l'adoration, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'il y ait des choses qui sont adorées par les êtres humains sur la terre, ça ne veut pas dire, le fait que des choses soient adorées par les êtres humains sur terre, ça signifie quoi? Ça signifie que les gens ont attribué à des choses autres que Allah l'attribue de Uluhiyya, l'attribut de dire que ces choses-là ont le droit d'être adorées. Mais Allah SWT est venu, il a envoyé les messagers pour dire aux êtres humains, toutes ces choses-là que vous avez adorées, autre que Allah, elles n'ont pas le droit d'être adorées. Et pourquoi? Parce qu'elles ne possèdent pas les attributs de perfection qu'Allah est le seul à posséder. Tout ce qui, que vous adorez en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas les qualités et les attributs de perfection que seul Allah est, que le seul à les posséder est Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, « وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé qu'est-ce que les gens adorent en dehors d'Allah, des dieux, des divinités, les choses qui sont adorées. Il dit, et ils adorent en dehors de lui, en dehors d'Allah, Alihatan. Il les a appelés des ilahs. Ils adorent en dehors d'Allah des idoles. La yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. Ils ne créent rien. Les statues, les images, les saints, les choses que les gens adorent en dehors d'Allah, ils n'ont rien créé. Et eux-mêmes sont créés. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Ils ne peuvent même pas se nuire à eux-mêmes, ni faire aucun bien. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً. Ils ne possèdent même pas la capacité de faire vivre ou de faire mourir. وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Ils ne peuvent pas non plus faire revivre les morts. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit les arguments de ceux qui abordent des choses en dehors d'Allah en leur montrant que ces choses-là que les idolâtres abordent n'ont pas les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est faux. Il doit être rejeté. Que ce soit un prophète, ou un saint, ou un idole, ou un ange, ou un djinn, ou quoi que ce soit d'autre. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le mérite cette adoration. Et donc le cheikh il dit, la signification du tawhid ne signifie pas seulement de croire qu'il y a un seul créateur et un Dieu unique. Il dit ça, c'est ça. Comme beaucoup des gens du kalam le pensent, et comme beaucoup des gens de tasawwuf le pensent, les gens parmi les soufis, ils pensent ça aussi avec Ahlul Kalam, parce que beaucoup des gens du kalam font partie des soufis. Après, il dit, et il croit que lorsqu'ils ont établi ou ils ont affirmé qu'il y a un seul créateur et un seul Dieu, ça y est, il croit que ça y est, ils sont musulmans et qu'ils ont établi le tawhid. Après, il dit, un individu, même s'il aurait affirmé qu'il croit en Allah et en tous les attributs d'Allah, et qu'il aurait purifier Allah de tout ce qui est imperfection, et qu'il aurait affirmé que Allah est le seul qui a tout créé, il ne serait pas encore reconnu comme étant un wahid, c'est-à-dire quelqu'un qui a unifié Allah. Pourquoi? Parce que même s'il dit, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il n'a pas affirmé que seul Allah mérite d'être adoré. Il n'a pas dit par exemple, il n'a pas appliqué ça dans ses actions. Dans sa parole, il a dit « La ilaha illallah ». Mais dans sa pratique, dans sa façon d'adorer Allah de tous les jours, il ne s'est pas empêché d'invoquer les morts ou les saints ou les gens qui sont adorés en dehors d'Allah. Donc, il n'a pas respecté les conditions du tawhid et l'aspect du tawhid qui est tawhid al-ibada. Et après, le chef il dit, والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقاد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو غاية التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال طائفة من السلف تسألهم أي تسأل المشركين من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره donc le chef il dit comme tout ce qu'on a expliqué il le répète encore une fois donc je ne vais pas le répéter mais il a rajouté un point c'est que il dit il a mentionné une ayah dans le Coran il dit la plupart des gens qui disent qu'ils croient à Allah sont en réalité des mushrikins وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et le tafsir de ce verset, c'est dans Surat Yusuf, le verset 106, dans cette ayah, le tafsir de cette ayah, l'explication de ce verset, c'est qu'est-ce que les sahaba ont dit de ce verset. Ils ont dit si tu demandes aux mushrikin qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils croient en Allah, ils croient que Allah existe. Ils croient qu'Allah c'est le créateur, mais malgré tout, ils adorent autre que lui. Alors, ça c'est une autre ayah aussi qui est une preuve que cette façon de croire à Allah, de dire que c'est lui seul le créateur, c'est pas suffisant pour être un musulman croyant. Il faut rendre l'adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Après, il mentionne une autre ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Donc il mentionne une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il demande, il dit, à qui appartient la terre et tout ce qui est dessus? Si vous savez, les mouchriquins diront à Allah. Alors demande-leur, il dit, demande-leur, ne vous rappelez-vous donc pas. Et dit, qui a créé les sept cieux et le et Non, il dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du grand trône? Ils diront, à Allah, et c'est Allah. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ils diront, Allah. Alors dit, ne le craignez-vous donc pas? Et après il dit, dites, qui est celui qui possède en sa main le royaume de toutes choses, ou qui possède toutes choses. Donc, dans le même sens encore, je ne peux pas traduire la dernière partie. Mais, dans la Sourate Al-Mu'minun, le verset 84 et 89. Donc, c'est tous des versets encore qui nous font comprendre que les mouchriquins, ils croyaient hein, que Allah est le créateur de ceux de la terre, qu'il possédait les sept cieux et qu'il possédait le grand trône et qu'il possédait toutes choses dans l'univers, malgré tout, ils étaient quand même des mouchriquins. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا donc c'est ça c'est pas toute personne qui retient ou qui dit croire que Allah est le créateur de toutes choses qui est en réalité un adorateur d'Allah exactement donc tant qu'il n'a pas arrêté d'adorer tout ce qui est en dehors d'Allah Donc, il n'est pas considéré comme un croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des mushrikins, ils reconnaissaient que Allah était le créateur de toutes choses, mais malgré tout, ils associaient à Allah d'autres choses dans leur adoration et ils disaient que c'était des intercesseurs ou que c'était des gens qui étaient des intermédiaires entre eux et Allah. إلى أن قال رحمه الله ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم ويمسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بالشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الشرك انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit la plupart des gens parmi ces gens là si un d'entre eux se prosterne parmi eux il y en avait même qui se prosternait au soleil à la lune aux étoiles et qui les invoquait qui les appelait et qui jeûnait et qui jeûnait pour les étoiles et tout et qui sacrifiait même des animaux pour ces choses-là autre que Allah et il disait ça c'est pas de shirk. Pourquoi? Parce que quand je le fais je crois pas que c'est ces choses-là qui contrôlent le monde, je crois pas que c'est ces choses-là qui contrôlent l'univers, je crois que c'est seulement Allah qui contrôle. Donc ça c'est comme une sorte de contradiction qu'ils font. J'invoque les morts, mais je ne crois pas que c'est les morts qui contrôlent l'univers, je crois que c'est Allah qui contrôle l'univers. Donc à cause de ça, ils pensent que c'est correct d'adorer autre que Allah. Le cheikh il dit, « قُلْتُ هَذَا مَا يَقُولُهُ عُبَادُ الْقُبُورِ الْيَوْمِ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَيَقُولُونَ هَذَا لَيْسَ بِالشِّرْكِ لِأَنَّنَا لَا نَعْتَقِدُ فِيهَا أَنَّهَا تَخْلُقُ وَتُدَبِّرُ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا وَاسِطَةً نَتَوَسَّلُ بِأَصْحَابِهَا. Donc, ça c'est leur croyance. En réalité, ils disent quelque chose et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté clairement dans le Coran en expliquant que même les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient les idoles, eux aussi, ils ne croyaient pas que ces idoles-là contrôlaient et dirigeaient le monde et créaient le monde. Et malgré tout, ils étaient des mouchriquins. Donc, il n'y a pas de différence avec ceux qui existent parmi nous aujourd'hui, qui se disent musulmans et qui invoquent les morts dans les tombes. Et qui croient que ces choses-là ont un pouvoir, et qui croient que ces choses-là sont capables d'exaucer leurs doua ou leurs invocations. Donc, c'est pas à cela qu'on fait l'adam. 45. Peut-être encore quelques minutes. Le cheikh, il mentionne les exemples dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour argumenter contre les idolâtres. Les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé contre les idolâtres pour les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il en a mentionné plusieurs. On va voir qu'est-ce qu'il a dit. أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد الألوهية أو الإلهية. لما كان توحيد الربوبية قد أقر به الناس بموجب فطرهم ونظرهم في الكون، وكان الإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من العذاب، ركزت دعوات الرسل على توحيد الإلهية، خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يطالب الناس بقول لا إله إلا الله المتضمنة لعبادة الله وترك عبادة ما سواه، فكانوا ينفرون منه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وحاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الدعوة ويخلي بينهم وبين عبادة الأصنام، وبذلوا في ذلك معه كل الوسائل بالترغيب تارة والترهيب تارة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لا أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Donc, le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé et qui est maître de toutes choses, c'est quelque chose qui est dans la nature même de chaque individu et dans chaque être humain. D'accord? Et toute personne qui se met à méditer sur la création, il est capable d'arriver à la conclusion qu'il y a un être suprême, un créateur qui a fait toutes ces choses-là. D'accord? Donc, c'est pas suffisant pour quelqu'un de dire que Allah est le créateur de toutes choses pour que quelqu'un soit un croyant, comme on l'a expliqué déjà. Et c'est pas ça qui va suffire pour protéger quelqu'un du châtiment de l'enfer. Et c'est pour cette raison-là que les messagers d'Allah se sont concentrés dans leur appel sur le tawhid de l'ibada. Et en particulier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est concentré beaucoup sur cette base de tawhid et qui a appelé les gens à dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dans les marchés, allait dans les places publiques, allait dans partout, il disait aux gens qulu la ilaha illallah. Dites, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et qu'est-ce que ça implique ce témoignage? Ça implique que Allah est le seul qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être abandonné. فَكَانُوا يُنْفِرُونَ مِنْهُ. Et les mouchriquins, les idolâtres, s'enfuyaient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il disait aux gens de dire la ilaha illallah. Ils s'enfuyaient de son appel. وَيَقُولُونَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Il disait, est-ce que, et ça c'est une ayah dans le Coran, dans Sourate Sad, verset 5, il dit, est-ce qu'il a fait de toutes les divinités un seul? Il a rendu toutes les divinités un seul, c'est-à-dire que maintenant on doit adorer seulement Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on ne doit pas adorer les autres. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Il s'étonnait, il dit ça, c'est une chose vraiment étonnante. Il était surpris d'entendre quelqu'un dire ça. Ils ont tout essayé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout essayé pour le faire abandonner son message, le tawhid. Ils lui ont offert des richesses, ils lui ont offert même le pouvoir politique, s'il voulait être leur dirigeant. Ils leur ont offert des femmes, ils leur ont offert tout ce qu'ils pouvaient trouver pour essayer de le décourager, d'appeler les gens à adorer Allah seul, et il a toujours refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, par Allah, si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire abandonner ce à quoi j'appelle les gens maintenant, je ne vais jamais l'abandonner jusqu'à ce que Allah donne la victoire, ou rende suprême cet appel, ce message, ou bien que je périsse. Et après il dit, كانت آيات الله تتنزل عليه للدعوة إلى هذا التوحيد والرد على شبهات المشركين وإقامة البراهين على بطلان ما هم عليه. Donc Allah SWT révélait les versets et il appelait les gens au tawhid et puis il réfutait les arguments des mouchriquins qui sont fausses et puis il établissait sur eux la preuve et il montrait que ce qu'ils appelaient ou ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah était faux. وقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية وها نحن نذكر جملة منها فمن ذلك الأول أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc il dit parmi les exemples ou les façons que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisées dans le Coran pour rappeler les gens à l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit on va en mentionner quelques exemples qui sont utilisés et il a mentionné la première, c'est l'ordre d'Allah SWT aux êtres humains d'adorer Allah SWT et de laisser tomber l'idolâtrie ou d'adorer autre que lui. Et ça, c'est dans quelques versets qu'il a mentionné, et il y en a plus, mais il en a seulement mentionné quelques-uns. Par exemple, dans Sourate Al-Nisa, le verset 36, Allah SWT il dit et adorer Allah et n'associez rien avec lui. Dans une autre ayah, dans Sourate Al-Baqara, il mentionne ô les gens, ou ô les hommes, ou ô hommes, ya ayyuhan nas, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous. Et après, il mentionne la fin du verset. Alors, ne mettez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala des échos, alors que vous le savez. Hein? C'est dans le surat al-Baqarah, le verset 21. Un autre exemple, il dit, par exemple, ومنها إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم الله سبحانه وتعالى nous informe qu'il n'a créé l'humanité ou les hommes et les djinns que dans le but qu'on l'adore. Le but de notre création, de notre existence sur la terre, c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى. Et ça, c'est une autre des façons par laquelle Allah a appelé les êtres humains à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Dans le verset dans Surat al-Zariyat, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » C'est le verset 56. Après le chef, il dit numéro 3, « وَمِنْهَا إِخْبَارُهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ جَمِيعَ الرَّسُلِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَالنَّهْيَ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ » كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الله سبحانه وتعالى من الفهم للجان que il a envoyé tous ses messagers avec cet appel, avec ce message. Donc il n'y en a pas un d'entre ces messagers qui a différé des autres, qui n'a pas appelé ou qui ne s'est pas concentré sur ce point fondamental. Ils ont tous pris ça comme la base de leur appel au peuple et aux gens. C'est comme ça qu'on voit que si quelqu'un parmi les musulmans veut appeler les gens à l'islam et qu'il ne se concentre pas sur ce point qui est fondamental, on voit que automatiquement il s'est écarté de la voie des messagers d'Allah. Après numéro 4, il dit وَمِنْهَا الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى تَوْحِيدَ الْإِلَهِيَةِ بِالْفِرَادِهِ بِالْرُبُوبِيَةِ وَالْخَلْقِ وَالْتَدْبِيرِ كما في قوله تعالى سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. Donc Allah سبحانه وتعالى souvent il a utilisé comme argument que seul lui doit être adoré, qu'il doit être le seul à être adoré. Un de ses arguments qu'il a utilisé, c'est que c'est lui seul qui crée, qui contrôle l'univers. Hein? Comme par exemple dans le verset, dans le même verset qu'on a mentionné plus tôt, « Ô les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous. » Et ça c'est une preuve que, par exemple, si quelqu'un décide d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui demander, est-ce que la chose que tu adores, elle t'a créé? Est-ce qu'elle a créé tes ancêtres? Si la personne répond non, alors tout de suite on va savoir que ce qu'elle adore est faux. Hein? Donc ça c'est un argument qu'on peut donner à des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, la Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne vous prosternez pas au soleil et ne vous prosternez pas à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés. Donc vous pouvez dire par exemple à quelqu'un qui adore le soleil ou qui adore la lune, est-ce que c'est le soleil qui t'a créé ou qui a créé le monde? Est-ce que c'est la lune qui t'a créé ou qui a créé le monde? Ou est-ce qu'elle s'est créée elle-même? Ils ne pourront pas répondre. Alors tout de suite, on va savoir que ce qu'ils adorent est faux. Par exemple, il y a des mouchriquines parmi les hommes en Inde qui adorent les vaches. On leur demande, est-ce que c'est la vache qui t'a créé? Et bien entendu, ils ne peuvent pas dire que c'est la vache qui l'a créé. Alors, c'est maintenant, on sait que ce qu'ils adorent, c'est faux. Hein? Un autre exemple dans lequel Allah s'en a parlé, dit أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Est-ce que celui qui crée est semblable ou comparable à celui qui ne crée rien? Donc ça c'est un exemple. Allah s'en a parlé, il donne cet exemple pour montrer que les choses que les gens adorent en dehors d'Allah n'ont aucun pouvoir, même pas de créer quoi que ce soit. On va avoir d'autres exemples aussi. Le numéro 5, le chef dit « ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه لانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين كما في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله عن خليله إبراهيم عليه السلام إنه قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وقوله واتخذوا قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. Donc, qu'est-ce qu'il a mentionné comme verset qui prouve que Allah SWT est le seul qui possède les attributs de perfection et que les idoles ou les choses que les mouchriquins et les idolâtres adorent en dehors d'Allah SWT ne possèdent pas ces attributs de perfection, donc ils ne méritent pas l'adoration. Et il a mentionné comme verset, le verset dans lequel Allah SWT a dit adorez-le lui seul et soyez persévérants dans son adoration. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autre qui est égal à lui? Et après, il a mentionné un autre verset qui dit et c'est à Allah qu'appartient les meilleurs noms, les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ses noms, ses attributs de perfection, ses noms de perfection, qui sont les noms de sa perfection. وَقَوْلُهُ عَنْ خَلِيلِهِ Ibrahim a dit à son père, et Allah mentionne dans le Coran qu'est-ce que Ibrahim a dit à son père. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre et ni voir et qui ne peut te profiter en rien? Pourquoi tu adores en dehors d'Allah quelque chose, des idoles qui ne peuvent même pas entendre ni voir? Donc tu invoques des idoles qui sont faites en pierre ou en bois, ils ne sont même pas capables d'entendre quoi que ce soit, ils ne sont pas capables de rien voir, et puis ils ne peuvent rien te profiter. Si vous les invoquez, ils n'entendent même pas votre invocation, ils n'entendent même pas. Il parle un autre verset du peuple de Moïse, qui ont fait à partir de leurs bijoux en or, ils ont fait fondre ça, ils ont construit un petit veau en or, et donc ils l'ont adoré. Et Allah dit, est-ce qu'ils n'ont pas vu que ce veau-là, le veau en or qu'ils ont construit, n'est même pas capable de leur parler, il n'est même pas capable de les guider sur le droit chemin. Donc c'était comme en même temps, Allah montre que, étant donné que ces idoles n'ont pas d'attributs de perfection, ils ne méritent pas l'adoration non plus. Un autre verset, un autre exemple, le cheikh dit, ومنها تعجيز لآلهة المشركين. تعجيزه لآلهة المشركين كقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Donc il a mentionné que un autre exemple, un des arguments que Allah a utilisé dans le Coran pour appeler les gens à l'unicité dans l'adoration, c'est l'exemple qu'il a montré à propos des idoles des mouchriquins qui ne sont capables de rien faire, en fait, qui n'ont aucun pouvoir. Hein? Et Allah dit par exemple, est-ce que vous associez avec Allah, ceux qui ne peuvent ni créer et qui eux sont eux-mêmes créés et qui ne sont ni capables de vous de secourir et qui ne sont même pas capables de se secourir eux-mêmes, hein? C'est comme l'exemple de ce qu'on a mentionné hier quand on parlait ensemble, on a parlé de l'exemple de l'idolâtre qui adorait son dieu et un chien qui est rentré dans le temple et qui a uriné sur la statue. Et donc l'idolâtre a dit, comment est-ce que ça se peut que j'adore un dieu et puis un chien rentre et puis il urine dessus. Donc il a vu que ça c'est quelque chose de stupide. Et puis aussi d'autres, par exemple d'autres exemples comme ça, quelqu'un a vu, il était en train de nettoyer les statues et puis sans faire exprès, il y en a une qui est tombée et puis il est cassé. Donc il a dit, voilà. Je suis stupide d'adorer quelque chose comme ça qui se casse, qui elle tombe. Hein. Ben, il y a encore plein d'êtres humains sur la terre qui continuent quand même à croire à des choses pareilles. Et il a donné notre exemple, Paul dit, invoquez ce que vous croyez être des divinités en dehors d'Allah. Il ne possède pas la capacité d'éloigner de vous ou d'enlever de vous un mal quelconque. Et ni de. En fait, ils sont capables de rien faire pour vous. Et ils ne sont même pas capables d'enlever un mal, ni un bien, quoi que ce soit. Et il donne un autre verset. Et ils adorent en dehors d'Allah, ceux qui ne possèdent pour eux, aucune subsistance dans les cieux et dans la terre. Et qui ne sont capables de rien. Et un autre verset dans lequel Allah a dit, ô vous les hommes, on vous donne une parabole, alors écoutez-la. Ceux que vous invoquez, ou que vous appelez en dehors d'Allah, ils ne sont même pas capables de créer une mouche, même s'ils s'étaient tous rassemblés ensemble pour le faire. Et si la mouche leur enlève quoi que ce soit, ils ne seraient même pas capables de lui reprendre à la mouche qu'est-ce que la mouche leur a pris. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre par ça que qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'a aucun pouvoir du tout. Même la mouche ne sont pas capables de la créer, ou même de créer l'aile de la mouche, ils ne sont pas capables. Numéro 7. ومنها تصفيه المشركين الذين يعبدون غير الله قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفكم لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il traite les mouchriquins d'idiots, d'imbéciles en fait, par le fait qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pour les insulter en fait, pour leur montrer leur stupidité, pour montrer que qu'est-ce qu'ils font est insensé. Hein? Et il donne des versets de ça, comme par exemple, Allah dit, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous apporter du bien, ni vous nuire? Il dit, offrez-moi la com. Donc, on vous l'a dit, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah? Il dit, ne réfléchissez-vous pas, vous n'avez pas de raison à faire la tarquino, vous n'utilisez pas votre raison pour réfléchir à tout ce que vous êtes en train de faire. Et après, dans une autre ayah, Allah dit, et qui est plus égaré que celui qui appelle autre que Allah? Celui qui appelle en dehors d'Allah, celui qui ne peut même pas lui répondre jusqu'au jugement dernier. Et qui sont indifférents de leur invocation. Ceux qui nous invoquent sont totalement indifférents de leur invocation. Et il a mentionné un autre exemple. ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله وبيان مآلهم مع من عبدوهم حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف كما في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما ينبئك مثل خبير وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Donc il a dit un autre exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour montrer que qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est faux. Il n'a pas besoin de dire, c'est que Allah nous montre dans le Coran que ces idoles que les idolâtres adorent, elles vont les abandonner au jugement dernier et elles vont les laisser tomber au moment où ils avaient le plus besoin d'eux et dans le moment qui était le plus humiliant pour eux. Et ils mentionnent beaucoup de versets dans lesquels Allah ta'ala montre qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier entre eux et les idoles. Et il dit, si vous auriez vu les injustes lorsqu'ils vont voir le châtiment, ils vont voir en ce moment-là que leur puissance appartenait toute entière à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. Et lorsque les gens ceux qui les ont suivis et qu'ils verront le châtiment et que tous les liens vont être coupés entre eux, alors ceux qui ont suivis vont dire, on aimerait nous aussi, si on avait une chance de revenir pour pouvoir nous aussi nous désavouer d'eux, comme eux se sont désavoués de nous aujourd'hui. Et Allah s'en a dit, et voilà comment nous leur montrons leurs œuvres. Hein? Et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Et puis dans une autre ayah, Allah s'en a dit, et au jour de la résurrection, ceux qui étaient adorés par ces idolâtres vont rejeter leur adoration. Hein? Ça c'est dans le verset qui était avant à propos de qu'est-ce qu'on avait dit, تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas ce que vous leur demandez, ce que vous leur dites. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Et si ils entendaient, ils ne pourraient même pas répondre. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Et au jour de la résurrection, ils vont rejeter votre adoration pour eux. Et personne ne peut vous informer mieux que celui qui est informé de toutes choses, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le même verset qui était mentionné tout à l'heure, et qui est plus égaré que celui qui adore en dehors d'Allah, celui qui ne peut même pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qui est indifférent de leurs invocations, et lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront ennemis, ils seront des ennemis pour eux, et ils rejetteront leur adoration pour eux. Et notre verset, Allah dit au Qawlu Ta'ala, et le jour où nous allons tous les faire sortir, revenir à la vie, et que nous dirons aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient? Et les anges diront, non, gloire à toi, tu es notre protecteur contre eux. Eux, ils adoraient les djinns, et la plupart d'entre eux croyaient en les djinns. Au lieu d'adorer Allah, ils adoraient les djinns. Et c'est certain que toute personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il adore le shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Ne vous ai pas fait prêter serment au fils d'Adam que vous n'alliez pas adorer le shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Il est pour vous un ennemi déclaré, un ennemi évident. Donc, toute personne qui adore autre que Allah, même s'il croit adorer, par exemple, il invoque Isa, ou il invoque Maryam, ou il invoque les Awliya, ou il invoque le soleil et la lune, en fait, il invoque en réalité Shaytan. Et même moi, je connais des gens dans ma famille qui croient qu'ils ont des apparitions de Marie. Ma grand-mère, par exemple, elle dit tout le temps que la nuit, et elle a une apparition de Marie, et elle commence à prier. Elle prie devant la statue de Marie, et elle pense que Marie lui apparaît, et elle l'invoque. Moi, je lui dis, ça, c'est le shaitan qui apparaît. Et toi, tu penses que c'est Mariam. Et elle dit, c'était Mariam, tu n'as pas le droit de l'invoquer en dehors d'Allah. Mais comment on peut faire comprendre à quelqu'un qui comprend pas, qui suit ses passions, qui comprend pas la réalité que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul maître, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et un autre verset dans lequel il mentionne quelque chose qui va arriver au jugement dernier. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Isa, à Jésus, fils de Marie, il va lui dire au jugement dernier, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, et toi et ta mère, en dehors d'Allah, en dehors de moi? On a dit, est-ce que vous avez dit aux gens, prenez moi et ma mère comme deux dieux, deux divinités, en dehors d'Allah, au lieu d'Allah? Et Isa, il va répondre, il va dire, Subhanaka, gloire à toi, ô Allah, je n'aurai pas le droit de dire une chose pareille. Je ne peux pas dire quelque chose dont je n'ai aucun droit de dire. Donc il va se désavouer de tous ceux qui l'ont adoré au lieu d'adorer Allah. Donc imaginez les chrétiens au jugement dernier, quand ils ont cru toute leur vie que Jésus était le fils de Dieu ou un des trois de la Trinité, et qu'il avait le droit d'être invoqué ou adoré en dehors d'Allah, et que Allah va faire témoigner devant tous les chrétiens qu'il n'a jamais dit aux gens de l'adorer, ni lui, ni sa mère. Alors imaginez la réalité, comment ces gens-là vont se sentir au jugement dernier. subhanallah, ça c'est incroyable. Et dans un autre exemple, le chef il dit, « وَمِنْهَا رَدُّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اتِّخَاذِهِمْ الْوَصَائِتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ مُلْكٌ لَهُ سُبْحَانَهُ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ بَعْدَ رِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ قَالَ سُبْحَانَهُ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتكم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc il mentionne et il réfute l'idée des mushrikins qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah SWT et qui disent que il demande l'intercession, alors Allah subhanahu wa ta'ala il répond et il dit l'intercession elle n'appartient seulement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas le droit de la demander excepté qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut intercéder pour quelqu'un d'autre sauf par sa permission et en plus c'est pas seulement que c'est par sa permission mais il ne peut intercéder que pour celui que Allah a accepté et agréé. Donc, Allah il dit, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs, Shufa'a, dit, et même si, est-ce que ils les prennent pour intercesseurs alors qu'ils n'ont même pas possédé quoi que ce soit et qu'ils ne réfléchissent même pas, dit l'intercession appartient tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Ça c'est dans Surat Az-Zumar, les versets 43 et 44. Et après, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Ça c'est dans Ayat al-Kursi, tu connais le texte. Et un autre verset, et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne peut rien profiter, sauf après que Allah l'ait permis pour qui il a agréé. Hein? Donc, celui qui va voir les morts ou les saints ou quiconque et qui demande l'intercession, eh bien, ils vont contredire les versets que Allah a révélés. Parce qu'on doit demander l'intercession uniquement à Allah, puisque c'est lui qui la possède. C'est lui le maître de l'intercession. Et, en même temps, si quelqu'un demande l'intercession à un être vivant, hein, et puis qu'il n'a pas respecté les conditions du tawhid, Allah ne va pas l'accepter. Il ne va pas accepter l'intercession en sa faveur. Hein. C'est pour ça que il y a un hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Et Abu Huraira a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لكي sera la personne la plus heureuse de ton intercession au jugement dernier. Et il dit, il a répondu: من عبد الله ولم يشرك به شيئا ou quelque chose dans ce genre. Mais ça veut dire celui qui a adoré Allah et qui n'a rien associé avec lui. Bon, je suis pas certain des mots exacts, mais c'est dans ce sens. Peut-être sûrement le chef il va le mentionner ce hadith plus tard, on pourra le confirmer. Donc, فبين سبحانه أن في هذه الآيات أن الشفاعة منكه وحدة لا تطلب إلا منه ولا تحصل إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. Donc c'est exactement qu'est-ce que ça vient d'expliquer. Et puis, okay. Est-ce qu'il y avait un autre point qu'on peut ajouter là-dessus? Je pense que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Contre eux-mêmes, contre ceux qui les adorent. Ouais. Oui, c'est comme par exemple, c'est par exemple Jésus, par exemple, qui a été adoré par des hommes. Et ben, Jésus va témoigner contre eux. Il va rejeter leur adoration. Mais aussi, c'est pas seulement Isa, bien entendu, tous les salihin, yani, que les gens ont adoré au lieu d'adorer Allah, ils vont être aussi, eux aussi vont rejeter leur adoration. Ils vont dire, Allah, je n'ai jamais dit à ces gens-là de m'adorer ou de m'invoquer ou quoi que ce soit. Ils vont rejeter tout ce que ces gens-là ont fait en leur nom. Même aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, par exemple, Abdul Qadir al-Jilani ou d'autres saints parmi les salihins qui ont vécu dans le passé, les gens aujourd'hui ils les adorent comme s'ils sont pire que qu'est-ce que les chrétiens font avec Isa, ils font avec ces gens-là, hein, ces salihins. Donc, eux, ces gens-là, ils vont répondre la même chose au jugement dernier. Abdul Qadir al-Jilani n'a jamais dit aux gens, évoquez-moi en dehors d'Allah. Hein, je suis un quoi que ce soit. Il y en a parmi ces gens-là. Quand ils font les dégâts, quand ils font le dua ou quoi que ce soit, ils mettent une photo de leur chef en avant. Et là, ils prient, demandent au chef de demander à Allah pour eux. Hein? Moi, j'ai vu aussi au Sénégal, parce qu'il y a des transports nationaux là-bas, c'est la lutte, je vous fais. Ah ouais. La lutte traditionnelle. C'est pas le passeport. Mais donc, les gens, en cette période de nuit qui nous a venu, mais on les voit sortir les photos de leur marabout, quoi. Ouais. Sur les montées, qui va leur donner la victoire. Subhanallah. Et quand ils perdent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur marabout est moins bon que les autres. Oui, il y a des gens d'ailleurs qui nous disent. Je me rappelle qu'il y en a une jeune qui s'appelait Gaiden. C'est plusieurs fois qu'il gagnait la lutte et qu'il montait toujours à propos de son marabout. Il fait la félicité pour son sponsor. Il y a eu beaucoup de gens qui connaissaient comme étant quelque chose qui pouvait l'aider à gagner. Mais le jour qu'il a perdu, ben ça a fait quand même un peu. Il était pas en bonne forme. Subhanallah, c'est comme si les musulmans ont oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Wakil, et c'est lui qui prend soin de toutes choses dans l'univers. Et c'est lui qui donne la victoire, lui qui donne ces choses-là. Donc, on doit mettre notre confiance à Allah. Wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. C'est à Allah que les croyants doivent mettre leur confiance, pas en autre que lui. Dans les pays musulmans qui font ça, qui font le shirk billah, et il n'y a pas personne qui ose être courageux et de faire qu'est-ce qu'il doit faire comme en tant que musulman, c'est-à-dire dénoncer ces formes de shirk. Au minimum de dire que hada shirk ou hada munka. Au moins qu'il dénonce quelque chose, qu'il fasse quelque chose, c'est sûr que les gens vont le critiquer les gens vont le blâmer, les gens vont l'accuser de toutes sortes de mal, peut-être ils vont dire, ah tu es un wahhabi, ou ah, tu es un ski, ou ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des insultes pires que ça encore, quand il a dit aux gens, la ilaha illallah. Ils vont accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un magicien, d'être un menteur, d'être un poète ou d'autres noms, d'autres accusations. Et il n'a pas cessé de faire son da'wah à cause de ça. Il a continué encore plus. Il a enduré les accusations et les attaques des mouchtiquiers. Et il a été courageux pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous aussi, on doit avoir ce courage, on doit avoir cette force, inshallah. Et on prend tout ce qui vient avec ce da'wah. Hein. On prend tout ce qui vient avec. Et on demande, on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce da'wah au tawhid. Donc on parle du tawhid dans les mosquées, on fait les durus, on lit les livres, on écoute les cassettes. Mais il ne faut pas juste arrêter ces explications-là ou ces compréhensions-là au niveau de la mosquée seulement. Aussi, il faut aller voir les gens, leur expliquer qu'est-ce qu'ils font, que ça c'est mauvais. Hein? Quand les musulmans, par exemple, ils font ces activités ou ces choses-là et qu'ils font, ils pratiquent le shirk, il faut aller là-bas peut-être en un monde et puis aller distribuer des livres, des cassettes, des pamphlets et essayer d'expliquer aux musulmans que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Et aussi essayer même de conseiller les gens qui sont haut placés et qui sont des dirigeants qui sont capables de faire changer ces choses-là. Eux-mêmes, peut-être qu'ils croient en ces pratiques qui sont sincères à l'islam. Essayez de les appeler eux aussi à l'islam. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait voir les hauts de Quraysh, les hauts dignitaires de Quraysh, et il essayait de les convaincre de la ilaha illallah. Parce que si eux, ils acceptent l'islam, eh bien, automatiquement, beaucoup de gens vont suivre. Et donc, s'il y a parmi les dirigeants des musulmans des gens qui ont accepté le tawhid et qui ont compris sa signification et qui ont une force, une autorité, ils sont capables ensuite de l'implémenter même aussi en interdisant ces choses-là par la force, même si c'est possible, et même de faire niveler les tombeaux où ces gens-là sont enterrés et de faire cesser ces formes de chiffres qui sont répandues dans les pays musulmans et ensuite de faire la propagation du tawhid par la publication des livres, par l'enseignement des musulmans et l'éducation, et le da'wah et l'enseignement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer de prendre ce da'wah et de l'appliquer, de le mettre en application. Parce que le monde musulman actuellement, beaucoup parmi les peuples musulmans sont en train de se noyer dans le shirk et dans le bid'ah. Et nous, on regarde ça et on ne fait rien. Hein? Les gens qui appellent à la bid'a, qui appellent au chef, au dalal, eux sont très actifs. Ils ne cessent pas. Ils ont des gens qui les poussent et qui les financent, qui les aident. Et donc, nous, même si on n'a pas les mêmes moyens, mais on doit essayer quand même de faire selon nos capacités, chacun. Ensuite, le chef dit, « وَمِنْهَا أَنَّهُمْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَؤُلَا الْمَعْبُودِينَ مِنْ دُونِهِ لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه ومن هذا شأنه لا يصلح للعبادة كما في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que tous les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne possèdent aucune façon de profiter aux gens qui les adorent. Et donc ils disent, lorsque ça c'est la réalité d'une chose, qu'elle ne peut rien te profiter, alors elle ne mérite même pas d'être adorée à part ça. Hein? Et il donne un verset dans Sourate Sabah, le verset 22, et ce verset-là, dans ce verset, il y a une récitation de tous les arguments du mushrikine dans un seul verset. Premièrement, Allah dit à ceux qui dit, invoquez ceux que vous croyez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas un atome dans les cieux et sur la terre. Si on dit que tout ce que ceux que vous adorez, ils ne possèdent même pas un atome, alors pourquoi vous laissez celui qui possède l'univers et vous allez demander à celui qui ne possède rien? Ça c'est complètement absurde et illogique. Et moi j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui était un hindou et je lui ai demandé quel dieu il adorait. Il m'a dit, dans ma famille on a un dieu, mais en Inde, chaque famille a des dieux différents. Et donc, par exemple, certains adorent un dieu en particulier et ils le préfèrent parmi d'autres, et d'autres ont choisi un autre dieu et ils préfèrent ce dieu-là plus que les autres. Alors, par exemple, un va dire, bon, moi je vais adorer le dieu qui contrôle le ciel ou la mer. Et l'autre va dire, ah, moi je vais adorer le dieu de la guerre ou je ne sais pas quoi. Moi je lui ai dit, mon dieu, c'est celui qui contrôle tous tes dieux à toi, qui les a tous créés. Et j'ai dit, et qu'est-ce qui est mieux, d'adorer celui qui contrôle tout ou bien d'adorer celui qui contrôle certaines choses seulement? Hein? Et c'est ça que Youssef a dit aux gens dans la prison. Il a dit, أَعْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ. Est-ce que vous préférez d'adorer des divinités toutes divisées qui ont toutes, chacun qui prétend posséder un pouvoir sur des choses en particulier, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir sur tout l'univers en entier? Hein? Donc, ça c'est une façon dont on peut voir que tout ce qu'ils adorent, ces idoles-là, ou ces choses-là qu'ils adorent, n'ont aucun pouvoir sur quoi que ce soit dans la création. Et ensuite, dans le verset, Allah il continue, il dit, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Ils n'ont même pas une association avec Allah. Ils n'ont même pas un partenaire. Ils sont même pas des partenaires avec Allah. Parce que quelqu'un pourrait dire, bon, ok, ils n'ont rien, mais peut-être qu'ils sont associés avec Allah. Ils sont des partenaires. Ils n'ont même pas une part dans l'univers. وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et ils ne sont même pas, disons, des aides. Ils ne sont même pas des gens qui peuvent aider Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit. Donc ils ne sont même pas capables d'aider Allah en quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de personne pour l'aider dans sa création. Il est le maître de toutes choses. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Et donc quelqu'un d'autre dit, bon, ok, mais c'est des intermédiaires. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala les répète encore et il dit, et il ne possède pas l'intercession, sauf pour celui que Allah a permis. Donc il a bloqué toutes les portes. Toutes les portes que ces gens-là avaient essayé d'utiliser pour ouvrir pour le chef, eh bien Allah les a fermées. Et comme dernier exemple, le chef il dit, وَمِنْهَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ضَرَبَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً فِي الْقُرْآنِ يَتَّضِحُ بِهَا بُطْلَانُ الشِّرْكِ. ومن ذلك قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. Donc il dit le chef que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le Coran beaucoup de paraboles et d'exemples pour montrer l'apostasie du chef. Et comme exemple, il a mentionné un verset dans Sourate Al-Hajj qui dit, celui qui évoque autre que Allah, c'est comme celui qui tombe du ciel et qui se fait frapper par les oiseaux. On peut imaginer, c'est des exemples qu'on est capable d'imaginer quand quelqu'un qui tombe du ciel et un oiseau vient parce que l'autre parle, il essaie de prendre un morceau de lui. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Et là après il dit, ou que le vent souffle vers un endroit auquel il s'arrête. C'est difficile d'expliquer pour moi ce verset-là. Mais c'est ça. Si vous voulez voir dans la traduction, c'est Al-Hajj, surat 31, ayah 31 dans Sourate Al-Hajj. Je vous donne un exemple. Puis il y a un autre. Il y a une autre ayah dans Sourate, nous avons accepté de ça. ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه نعم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم الرجل هل يستويان مثلا سبحانه. Donc le verset qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme exemple des partenaires qui sont qui possèdent tous un esclave. On va dire 10 personnes, ils sont tous partenaires et ils possèdent tous un esclave. Et un autre qui est maître, qui est un maître, il possède un esclave. Donc, imaginez la situation de celui qui a 10 mètres. Alors, celui qui a 10 mètres, il ne sait plus à quel obéir en même temps. Tandis que celui qui en a un seul, et bien, c'est facile pour lui de remplir les obligations de son maître. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné beaucoup aussi d'autres exemples comme ça. أبقي الشيخ الذي شبه سبحانه التوحيد في علوه وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل السافلين لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر وشبه الشياطين التي تقلقه بالطير التي تمزق أعضاءه وشبه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح الذي ترمي به في مكان بعيد. Donc le chef il a expliqué en fait le verset dans Sourate Al-Hajj. Il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a comparé le tawhid dans sa hauteur et dans sa grandeur et dans sa largesse et dans sa noblesse avec le ciel, parce que le ciel il est élevé et il est large. Et, donc, il a comparé ça avec le tawhid. Et ensuite, il a comparé la personne qui a abandonné le tawhid à celui qui tombe en bas du ciel, justement. Il a quitté l'espace qui est élevé pour s'en aller vers les bassins. Hein? Et après, il dit pourquoi? Parce qu'il a quitté les hauteurs de la foi pour descendre dans le bassesse de la mécréance. Et il a comparé les diables qui viennent pour le déchiqueter. Il a comparé ça aux oiseaux qui viennent. Et il a comparé les diables qui viennent pour le séduire, pour le garer du chemin, aux oiseaux qui viennent en même temps, comme on peut imaginer un faucon ou un aigle qui vient pour s'arracher des morceaux de la personne pendant qu'elle tombe, la proie. Hein. Donc il a comparé ça aux oiseaux, et il a comparé le vent qui souffle la personne dans un endroit éloigné, ben, il a comparé ça justement à la passion qui éloigne la personne de la vérité, hein, comme le vent qui le souffle dans un endroit éloigné. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن ذكرها الله سبحانه لبيان بطلان الشرك وخسارة المشرك في الدنيا والآخرة وما سقناه في هذا البحث من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وإبطال الشرك قليل من كثير وما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن بتدبر ليجد الخير الكثير والأدلة المقنعة والبراهين الساطعة التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن وتقتلع منه كل شبهة. Donc le cheikh termine avec ça et il dit, et il y a beaucoup d'autres exemples dans le Coran qui expliquent la fausseté du shirk et comment le mushrik est en perte dans cette vie et dans au-delà. Et il dit ce que nous avons mentionné comme recherche des, au sujet des méthodes que le Coran utilise pour appeler au tawhid, que les méthodes que le Coran utilise pour appeler les gens au tawhid al-uluhiyya et de montrer la futilité du shirk, et bien il dit c'est seulement un peu de quelques exemples parmi de nombreux exemples, et il dit le musulman doit simplement lire le Coran avec méditation dans le but de réfléchir sur le sens du Coran. Et si un musulman fait ça, il lit le Coran et il réfléchit sur le sens du Coran avec beaucoup de concentration et tout, et bien il va découvrir encore beaucoup plus de preuves que ça, et il va aussi trouver des preuves convaincantes, et ça va raffermir dans son cœur la conviction en le tawhid d'Allah. Donc on va arrêter ici, Inch'Allah, pour l'instant, puis Rani, on espère que ça vous a fait profiter un peu, puis on va continuer, Inch'Allah, encore la semaine prochaine, Bismillah. Assoulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.